إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد. Nous allons entamer le récit de Isa alayhi salat wa salam et du fait que son avènement est contemporain à l'avènement de Zakaria, de Maryam et de Yahya, on retrouvera des corrélations, des accointances, des situations communes entre tous ces grands personnages et prophètes qu'Allah tabarak wa ta'ala a cité dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans la sourate Al-Imran 83 versets pour répondre aux chrétiens. Il dit un peu plus loin, ceux-là même qui ont prétendu qu'Allah avait un enfant. Il est bien plus haut et infiniment au-dessus de tout ce qu'ils disent. Une délégation de chrétiens de Najran, dans le sud de l'Arabie, vint au prophète Ali Salat wa Salam à Médine. Ils se mirent alors à parler de leur fausse croyance en la Trinité, en prétendant qu'Allah est le troisième de trois, que sont l'Esprit Saint, Isa et Maryam, ou d'autres ont dit que c'était Allah, puis Isa et l'Esprit Saint, selon les divergences qu'il y a entre eux, les chrétiens, dès les premiers temps. En réponse, Allah subhanahu wa ta'ala révéla ces versets dans lesquels il montra que Isa, alayhi salatu wa salam, n'est qu'un serviteur d'Allah, qu'il a créé et façonné dans l'utérus de sa mère, comme il a façonné d'autres créatures. Il l'a créé sans père, comme il a créé Adam sans père ni mère. Il lui dit « Sois » et il fut. Allah mentionna aussi l'origine de la naissance de sa mère Maryam, sa vie et comment elle tomba enceinte de son fils Isa alayhi salatu wassalam. Il détailla cela dans la sourate Maryam, que nous verrons plus loin, Inch'Allah tabarak wa ta'ala, et aussi à travers la sourate Ali Imran. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah tabarak wa ta'ala. À cet effet, قال الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Sont les versets 33 à 37 de la sourate numéro 3, la famille d'Imran. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, certes, Allah a choisi Adam, la famille de Ibrahim et la famille de Imran au-dessus de tout le monde. Ils sont des descendants les uns des autres et Allah entend tout et sait tout. Quand la femme de Imran dit « Seigneur, je t'ai consacré en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. Tu es certes celui qui entend et sait tout. » Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, j'ai accouché une fille. Or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Et je l'ai nommée Maryam, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable le maudit. » Son Seigneur l'agréa alors d'un bon agrément, la fit grandir de la plus belle des manières, et il en confia la garde à Zakaria. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans son lieu d'adoration, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit « Oh Maryam, d'où te vient cela ?» Elle dit « Cela me vient d'Allah. Il procure certes la subsistance à qui il veut sans compter. » L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, dit, Allah mentionne comment il a élu Adam et l'élite de sa descendance qui se conformait à sa loi et s'attachait à lui obéir. Il précise ensuite en disant la famille de Ibrahim, de laquelle font partie les enfants d'Ismaïl et les enfants d'Ishaq. Il mentionne ensuite le mérite de cette famille noble et pure que celle de Imran, le père de Maryam, alayhi salam. Il dit aussi qu'il n'y a aucune divergence sur le fait qu'elle soit de la descendance de Daoud, alayhi salam. Son père, Imran, dirigeait la prière pour les enfants d'Israël à son époque et sa mère était une adoratrice fervente. Zakariya, alayhi salat wa salam, était le prophète de cette époque et il était l'époux de Ashriya, la sœur de Maryam, dont on dit qu'elle s'appelait aussi Élisabeth, alayhi salat. Ceci est d'après la majorité des savants. Et de ce point de vue, si elle est la sœur de Maryam, alors Yahya est le cousin maternel de Isa, alayhi salat wa salam. Il a été dit aussi que Ashia'a est la sœur de Hanna, qui est la mère de Maryam. Et de ce point de vue, Yahya est l'oncle maternel de Isa, alayhi salatu wassalam. Dans tous les cas, et c'est le moins qu'on puisse dire, il y a un lien très proche entre la famille de Yahya et celle de Isa ibn Maryam. Du fait que la mère de Yahya est soit la sœur de Maryam, soit sa tante maternelle. Concernant maintenant la naissance de Maryam, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, concernant Hanna, qui est la mère de Maryam, lorsqu'elle enfanta un enfant, elle dit « Seigneur, j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. On a également lu ce verset de la sorte « Or, Allah sait mieux ce don que j'ai fait don à cette femme, c'est-à-dire à Hanna. Allahu a'lamu bima wada'tu. Ou bien, Allahu a'lamu bima wada'at. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala dit, le garçon n'est pas comme la fille. Il a été aussi dit que cette parole renvoie à Hanna, la mère de Maryam, qui a dit, le garçon n'est pas comme la fille. C'est-à-dire, au service de Beit al-Maqdis, au service du temple. Car à cette époque, les gens consacraient certains de leurs enfants au service du temple. Que ce soit pour l'office, que ce soit pour l'entretien, ou d'autres choses qui étaient généralement accomplies, ou obligatoirement accomplies, par des jeunes garçons en dehors des filles. Ensuite, Hanna, la mère de Maryam, a dit « Et je l'ai certes nommée Maryam », qui signifie dans la langue hébraïque, celle qui est au service de son Seigneur. Maryam signifie celle qui est au service de son Seigneur ou l'adoratrice. D'ailleurs, Maryam, si vous vous rappelez bien, était le nom de la sœur de Moussa et Haroun, cette sœur qui avait suivi Moussa alors qu'il était encore bébé. Et c'est elle qui proposa justement une famille qui pourrait allaiter Moussa. Et elle dirigea les gens vers sa mère. Ce qui engendra par la suite que la mère de Moussa et sa sœur, Maryam, vécurent dans le palais de Pharaon avec Moussa sans que Pharaon ne sache que ces deux femmes faisaient partie de la famille de Moussa. Avant la naissance de cet enfant, elle avait fait un vœu en disant « Oh Allah, si tu me donnes un garçon, je le consacrerai au service du temple. » C'est comme si elle offrait son enfant à Allah. Chose fréquente à cette époque. Lorsqu'elle enfanta et s'aperçut que l'enfant était une fille et non un garçon, elle s'attrista de cela et s'exclama en disant « Seigneur, j'ai accouché d'une fille. » C'est-à-dire, j'ai voué mon enfant à ton service et tu m'as donné une fille alors que la fille ne pouvait pas être au service du temple. Cela était réservé au garçon. Allah lui répondit, le garçon n'est pas comme la fille. Autrement dit, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est mieux ce qu'il donne tabaraka wa ta'ala. Il était au courant avant que Hanna ne s'exclame par cette parole, Allah était au courant que dans son ventre, il y avait une fille et non un garçon. D'ailleurs, ce verset, parenthèse, et c'est une parenthèse qu'ouvre Ibn Kathir, rahimallah tabaraka wa ta'ala, a été utilisé par les savants comme preuve de la permission de nommer son enfant le jour de sa naissance, comme cela est authentifié du prophète, alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, فَأَخَدَهُ النَّبِيَ عَلَيْهِ wa sallam فَقَالَ أَمَعَهُ شَيْءٌ قَالُوا نَعَمْ تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. Parce que Anas, radiallahu tabarak wa ta'ala anhu, apporta au prophète son frère nouveau-né et que le prophète lui frottait le palais avec du sucre de date et qu'il le nomma Abdallah. Ce hadith, vous pouvez le trouver dans le Sahih de Muslim sur le numéro 2144. De même, Samura, radiallahu tabarak wa ta'ala anhu, rapporte également que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابع وقال بهز في حديثه ويدمى ويسمى فيه ويحلق قال يزيد رأسه. » Rapporté par l'imam Ahmed sur le numéro 20400. Le prophète a dit à cette fois dans son hadith authentique, tout nouveau-né est lié à un sacrifice qu'on appelle al-aqiqa. Un sacrifice que l'on doit faire pour lui au septième jour où on va également le nommer et lui raser la tête. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en reprenant les paroles de Hanna, la mère de Maryam, « Je la place, certes, ainsi que sa descendance, sous ta protection contre le diable le maudit. » Et Allah l'exauça de la même manière qu'il accepta son vœu. On remarquera ici qu'elle affirma et appuya ces deux phrases en disant « وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ » Inni ici, c'est un tawkid, c'est-à-dire c'est une affirmation, une confirmation. C'est le fait d'appuyer un propos. Elle réitéra cette confirmation et cette emphase dans la parole en disant wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Donc elle confirma deux choses ici. Elle dit je l'ai certes nommée Maryam et elle dit aussi et je la place certes ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable le maudit. Donc on remarquera ici qu'elle affirma et appuya ces deux phrases afin de montrer et de confirmer à son Seigneur l'acceptation de cette fille et son agrément. Fille qui n'était pas voulue au départ, mais au final elle l'accepta comme venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et elle montra son agrément par ces deux phrases en disant « Certes, je l'ai nommée Maryam, c'est-à-dire celle qui t'adorera, celle qui te vouera un culte, celle qui sera à ton service. » Et certes, je la mets sous ta protection, ainsi que sa descendance, contre le diable maudit. L'imam Ahmed rapporte d'après Abi Huraira que le prophète a dit, alayhi salatu wa salam, ma min mauloudin illa shaytanu yamassuhu hina yulad, fayastahillu sarikhan min massati shaytan iyyah, illa maryama wabnaha. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Le hadith rapporté par l'imam Ahmed sous le numéro 7823 qui est authentique. Le prophète a dit, alayhi salat wa salam, tout nouveau-né est touché par le diable à la naissance. Tout nouveau-né est touché par le diable à la naissance. C'est pourquoi il se met à pleurer, sauf Maryam et son fils. Puis Abu Huraira rajoute, lisez à ce propos la parole d'Allah suivante. Je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable le maudit. De même, dans le même sens, l'imam Ahmed rapporte également de Abu Huraira que le prophète a dit alayhi salatu wa salam, Kullu mauloudin min bani Adam yamassuhu shaytanu bi usbu'i illa Maryam ibnata Imran wa ibnaha Isa. Rapporté par l'imam Ahmed sous le numéro 7879. Le diable frappe de son doigt chaque nouveau-né des enfants de Adam, sauf Maryam, la fille de Imran et son fils Isa. L'imam Ahmed rapporte aussi d'après Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا ما كان من مريم وابنها ألم تروا إلى الصبي حين يسكت كيف يصرخ قالوا بلى يا رسول الله قال ذلك حين يلكزه الشيطان بحضنيه. Rapporté par l'imam Ahmed sous le numéro 8815 avec une chaîne de transmission qui est authentique. Tout enfant mis au monde par sa mère est frappé au flanc par le diable, sauf Maryam, la fille de Imran et son fils. Ne voyez-vous pas comment le nouveau-né pleure en venant au monde? On lui répondit, ô messager d'Allah, bien sûr. Il dit, ces pleurs proviennent du coup que porte le diable sur son flanc. Et enfin, l'imam Ahmed rapporte d'après Abi Huraira que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد إلا عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. Rapporté aussi par l'imam al-Bukhari sur le numéro 3286. Chaque fils de Adam est frappé par le diable à la naissance, sauf Isa ibn Maryam. Le diable voulut le frapper, mais il frappa dans le voile de protection, c'est-à-dire dans le placenta qui recouvrait le fœtus dans l'utérus de la mère. Isa ne fut pas touché par cette frappe de Shaitan. Tous ces versets et tous ces hadiths prouvent qu'Allah a répondu à l'invocation de Hanna, la mère de Maryam, lorsqu'elle dit « Je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable le maudit. » Alors cet enfant, cette fille qui naquit, Allah tabaraka wa ta'ala, nous dit « Son Seigneur l'agréa d'un bon agrément et la fit grandir de la plus belle des manières. » De la même manière, ce verset prouve et montre qu'Allah répondit et accepta le vœu de Hanna. De nombreux commentateurs du Coran mentionnent que lorsque sa mère la mit au monde, elle l'enveloppa et comme pour respecter son vœu, l'apporta au temple pour la confier aux adorateurs qui y résidaient. Puisque elle avait voué cet enfant à Allah, tabaraka wa ta'ala, elle ne pouvait le garder chez elle. Donc elle l'apporta au temple pour la confier aux adorateurs qui y résidaient. Mais elle était la fille de leur imam. Le père de Maryam, Imran, était l'imam, était celui qui dirigeait la prière des enfants d'Israël à cette époque. Alors, tous se disputèrent sa garde. Tous se disputèrent cet honneur de pouvoir la garder, de pouvoir être celui qui s'occupera de la fille de leur imam, qui avait décédé avant la naissance de Maryam. Ils se disputèrent à son sujet. Et Zakaria, qui était leur prophète à cette époque, voulut aussi jouir de cette faveur dans la mesure où son épouse, qui était Ashia'a ou Elisabeth, était sa tante maternelle, comme nous l'avons cité. Mais ils refusèrent et lui demandèrent de participer avec eux au tirage au sort, ce qu'il fit. Le destin joua alors en sa faveur et il gagna l'honneur de prendre Maryam sous sa garde. Ceci aussi conformément à la parole du prophète alayhi salam où il dit « El khalatu bimanzilatil La tante maternelle est comme la mère. Elle a exactement le même statut que la mère. » C'est un hadith que vous pouvez retrouver dans le Sahih de l'imam al-Bukhari sous le numéro 2699. Allah dit tabaraka wa ta'ala à cet effet, et il en confia la garde à Zakaria, c'est-à-dire en le faisant gagner au tirage au sort, comme Allah dit tabarak wa ta'ala, ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُرُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. C'est la sourate Al Imran, le verset 44. Ce sont là des nouvelles de l'invisible que nous te révélons, car tu n'étais pas là lorsqu'ils ont jeté leur qalam pour décider qui prendrait en charge Maryam. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. On rapporte que chacun d'eux prit son qalam. Qalam, c'est un bout de roseau biseauté sur lequel était inscrit son nom et on le mit dans une urne. On appela ensuite un enfant non pubère qui en tira un. Ce fut celui de Zakaria qui sortit et ils demandèrent à refaire un tirage cette fois en jetant leur qalam dans le fleuve. Et celui dont le qalam voguerait à contre-courant l'emportera. Ils s'exécutèrent et le qalam de Zakaria vogua à contre-courant alors que les autres suivaient le cours de l'eau. Ils lui demandèrent de procéder à un troisième tirage en disant cette fois que celui dont le qalam suivrait le courant alors que les autres le remonteraient serait lui le gagnant. Là encore, Zakaria l'emporta et c'est lui qui eut la garde de Maryam, puisqu'il était celui qui était le plus en droit légalement, du fait que son épouse était la tante maternelle de Maryam, aussi du fait qu'il était prophète, et par la force du destin. C'est-à-dire qu'Allah aussi a voulu cela religieusement et ontologiquement, c'est-à-dire par le destin aussi lors du tirage au sort. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle, en parlant de Zakariya, dans son lieu d'adoration, il trouvait près d'elle de la nourriture. Zakariya, lorsqu'il prit la garde de Maryam, il lui réserva un endroit dans le temple où elle seule avait le droit d'entrer. C'est un endroit où elle adorait Allah tabaraka wa ta'ala matin et soir. On appelle en arabe al-mihrab. Ce nom d'ailleurs, al-mihrab, vient, comme l'ont dit certains savants, du terme haraba en arabe qui veut dire combattre. Et al-mihrab, à la base, c'est un endroit où la personne s'isole pour adorer Allah et combattre le shaitan, combattre ses passions destructrices. Et adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, dans cet endroit. Donc à chaque fois que Zakariya entrait auprès d'elle dans son lieu d'adoration, dans le mihrab, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il s'étonnait en disant, « Oh Maryam, d'où te vient cela ?» Elle dit, « Cela me vient d'Allah. Il procure certes la subsistance à qui il veut sans compter. » Les commentateurs du Coran ont dit que Zakariya lui réserva un endroit noble dans le temple où elle seule pouvait accéder. Elle y adorait Allah et remplissait ses obligations d'entretien du temple lorsque son tour arrivait. Elle resta en adoration nuit et jour au point de devenir un exemple de piété et de dévotion parmi les enfants d'Israël. Elle était aussi célèbre pour ses nobles caractères et son bon comportement, au point qu'à chaque fois que le prophète d'Allah, Zakariya, entrait chez elle dans l'endroit où elle se retirait pour adorer Allah, il trouvait auprès d'elle de la nourriture hors saison. Il trouvait des fruits d'été en hiver et des fruits d'hiver en été. Il l'interrogeait alors, il lui disait « D'où te vient cela ?» et elle répondait « Cela me vient d'Allah. » Cela me vient d'Allah, c'est-à-dire une subsistance qu'Allah m'a accordée, et il procure certes la subsistance à qui il veut sans compter. C'est à ce moment que Zakariya, alayhi salat wa salam, désira avoir un enfant de sa propre chair, malgré son âge avancé et malgré la stérilité de son épouse. Ô Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente progéniture, car tu es celui qui entend l'invocation. Certains commentateurs du Coran ont rapporté qu'il a dit « Ô toi qui donnes à Maryam des fruits hors saison, donne-moi un fils, même si je ne suis plus en âge d'en avoir. » Et il arriva, ce que nous avons déjà mentionné la semaine dernière dans son récit. Allah révélera à Zakariya que Maryam devra être au service du temple, chose contraire aux us et coutumes des enfants d'Israël, qui n'acceptaient que des garçons pour cette tâche. Elle fut donc Maryam, la première femme à occuper cette fonction, et cela vient abroger ce qui existait jusqu'alors. Ce qui a poussé certains savants à dire qu'il y a dans cela un signe de la future venue d'un prophète et messager venant d'elle, qui viendra lui aussi abroger beaucoup de lois encore en vigueur chez les enfants d'Israël. Nous verrons la semaine prochaine, inshallah, tabaraka wa ta'ala, la naissance de Isa alayhi salat wa salam, et toutes les prémices de cette naissance. Comment Maryam tomba enceinte, quelles furent les circonstances de sa grossesse, comment elle annonça son fils à sa famille, elle qui n'avait jamais été mariée, elle dont aucun homme n'avait jamais touché, comment sa famille accueillera cet enfant, comment son peuple accueillera aussi cet enfant, et quelles seront les différentes accusations qu'elle subira à ce moment-là. Nous verrons tout cela, inshallah, tabaraka wa ta'ala, la semaine prochaine. Nas'Allah, tabaraka wa ta'ala, an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yarda, wa nas'aluhu, tabaraka wa ta'ala, al-huda, wa tuqa, wa al-afafa, wa al-ghina, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.